On va parler avec de la business du sport avec notre ami Charles Demis. Salut Charles. Salut Danny, ça va bien? Ça va bien, ça va bien. Charles, évidemment, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Comme je te dis en ondes, avant j'étais super. J'avais Sportstico, qui était une des bonnes, qui était un site que je consultais beaucoup. Puis là, finalement, ben, c'est rendu payant. Donc j'ai un peu moins de nouvelles de business du sport à faire commenter. Mais quand même, il y en a quand même des quelques-unes intéressantes. Dont Novak Djokovic, en fait, toute la saga Djokovic en Australie, on sait qu'il s'est présenté. Il est de toute évidence, il n'est pas vacciné. Il avait été mis en détention. Il avait gagné la première cause. Finalement, le ministre là-bas de l'Australie a décidé finalement de l'expulser. Ça a passé en cour même de ça. Donc, dis-moi, est-ce que. Moi, ce que je veux savoir, la suite des choses, est-ce que ça peut nuire à la carrière de Novak Djokovic, comme au niveau commanditaire, au niveau business? Effectivement, je pense que ça peut nuire à sa carrière. Je pense qu'il faut qu'on fasse quand même notre part des choses, là. Je pense que c'est pas le seul athlète, par contre, qui est pas Non. vacciné, là. On va regarder les sports d'équipe, on va regarder les sports olympiens, olympiques, on va regarder. Il y a plusieurs athlètes dans le monde qui sont pas vaccinés. C'est certain que du point de vue communication, il y a eu des erreurs qui ont été commises, là, à son endroit, de sa part. C'est sûr que pas tout le temps dire la vérité ou de dire une semi-vérité, c'est jamais bon pour l'image d'un athlète. Probablement qu'il aurait dû être, dès le départ, honnête, et avouer ses torts à ce niveau-là. Peut-être que ça aurait fait en sorte que, bon, l'opinion publique aurait été plus clémente avec lui. Mais voilà, tu sais, je pense qu'effectivement, il y a des commanditaires. Rappelons-nous, là, dans la PGA, dans les dernières années, il y a des commanditaires qui pour des frasques un petit peu moins grandes ont débarqué, ont brisé leur contrat de Ouais. commandite. On va parler, penser à Dustin Johnson, par exemple. Donc, c'est certain que. Lui, c'est parce qu'il avait dit merde, je pense, quelque chose de même, hein, Ouais. devant les caméras. C'était très banal, là, ce qu'il avait dit. Puis les commanditaires avaient. Mais à quelque part, je trouve que c'est un peu chaussé, par exemple, là. Il avait porté un commentaire homophobe à la droite de sa balle de golf qu'il n'avait pas voulu rentrer dans le trou. Fait que c'est certain qu'il y a une communauté, il y a des gens que ça a pu peut-être offusquer, mais c'est toujours risqué en tant qu'entreprise, hein, de commanditer un joueur. Puis surtout maintenant avec, hein, les médias sociaux, puis la montée en flèche de l'information qui se transige à une vitesse très rapide. Maintenant, chaque joueur, chaque athlète a sa propre base de fans, a sa propre business d'image, hein, et un pas de travers peut faire en sorte que le contrat de commandite est décliné. Fait que c'est certain que c'est à prendre en considération. Il faut être certain de notre coup, c'est sûr et certain. Ok, mais par contre, tu gagnes un ou deux tournois, puis Novak, il va revenir dans les bonnes grâces, Ben, c'est certain que les performances ne peuvent pas nuire à ce niveau-là. là. Je pense que le temps arrange les choses aussi, Ouais. là. Ouais. Je pense que dans 2 ou dans 3 ans, il ne faut pas oublier que c'est le plus grand tennisman au monde, là. Il va être quand même capable, je pense, de s'en sortir assez bien, là. Ok, mais dis-moi, est-ce que là-dedans, l'Union d'Australie, est-ce qu'ils ont manqué un peu? Parce que moi, j'ai de la misère à me prononcer là-dessus. Parce que je me dis, regarde, je me dis, en Australie, je pense que si c'est présenté là-bas, probablement qu'il y avait eu des garanties quelque part, là. Ouais, exact. Est-ce que Je l'Union pense a que. manqué quelque chose là-dedans? Ouais, je pense qu'il y a une part de responsabilité là-dedans. Tout le monde essaie de se laver quand même les mains, hein. Tout le monde veut protéger son image là-dedans. Je pense que l'Omnium a voulu faire un peu, mais je pense que ça pourrait avoir des répercussions négatives, là, t'sais, à ce niveau-là. Mais effectivement, comme tu dis, c'est plate, mais l'Omnium a peut-être manqué un peu de leadership là-dedans, a peut-être manqué un peu de communication. Il est arrivé ce qui est arrivé, là. Ok. Bon, l'histoire du Canadien. Moi, je suis très déçu. Je m'en cache pas. Patrick Roy était mon candidat pour plusieurs raisons. Là, c'est Kent Hughes qui est annoncé aujourd'hui. Est-ce que toi, bon, du côté business, est-ce que Patrick aurait été l'idéal pour moi? Parce que je pense que ce sera pas facile de vendre des billets pour plusieurs raisons. Toute l'histoire de la santé. De la santé actuellement, des mesures sanitaires, le Canadien gagne pas. Il y a un désintéressement, on le voit, les codes d'écoute sont à 230 000, ça n'a jamais été aussi bas de même. Est-ce que tu penses que Patrick aurait été côté business, là, ça aurait le Canadien manqué le bateau. Ben, si je pense au point de vue, si je vais parler au niveau business, effectivement que Patrick Roy a une base de fans beaucoup plus grande que Ken Hughes. Ouais. C'est même pas comparable, Alors. là. On a un joueur, on a un ancien joueur de l'équipe, on a un membre du Temple de la Renommée, l'ancien porte-couleur qui a gagné la Coupe Stanley, dernière Coupe Stanley en 93. C'est certain, de l'image de l'équipe, ça aurait été extrêmement bon. Ceci étant dit, je crois que la stratégie de l'organisation a été d'opter pour une formule, une nouvelle formule, une nouvelle hiérarchie qui est plus sous les couleurs d'une équipe, donc une équipe de gestion. Donc, on a engagé une Chantal Maccabée, on a Ça, c'est bon, ça, c'est Ken Gios excellent, qui ça. vient, et ça va continuer, ça va se poursuivre. Les embauches vont se poursuivre dans les prochains jours, prochaines semaines, c'est certain. Donc, c'est certain qu'on pense souvent, Patrick Roy, c'est une personne qui semble être, on va dire, pagayée seule dans son bateau. Je pense que c'est un gars d'équipe également. Mais l'image qu'il projette, c'est sans dire un one-man show, c'est une personnalité forte, c'est une personnalité qui prend les décisions, qui n'a pas peur de dire ce qu'il pense. Je pense que l'équipe, c'est quand c'est tourné vers une solution alternative, qui est un autre plan complètement, une autre image, une solution d'équipe, une solution de remplacement. Je pense que Marc Bergevin avait une opinion très forte, une opinion publique très forte, donc il avait un capital de sympathie, il était apprécié des gens. Je pense que là, on a décidé de tourner la page à ce niveau-là, puis de vraiment y aller pour une refonte et une autre direction en termes de gestion des opérations OK. hockey. Est-ce que tu penses que ça va être difficile? Moi, je trouve que un des défis les plus importants, et on l'a vu avec la femme de Jeff Petrie, la femme de Carey Price également, la femme de Xavier Ouellette qui s'est prononcée, en ont plein leur ras-le-bol du Canada avec les mesures sanitaires. Moi, je pense que c'est un des défis les plus importants que le nouveau directeur général aura à avoir, là. Comment attirer des joueurs autonomes? Ça, c'est un gros défi, ça. Ben, en fait, effectivement, mais en même temps, c'est un gros défi, mais faut pas oublier que la troisième franchise avec la plus grande valorisation de la Ligue nationale, ça reste que c'est le Canadien de Montréal. Donc, inévitablement, c'est l'équipe qui a le plus de Coupe Stanley, c'est l'équipe qui a une histoire incroyable, qui a une culture d'entreprise incroyable. Donc, moi, je pense, Danny, que Mais on mettre est ça à quelque part, dans c'est le... des jeunes familles avec de l'argent, là. À quelque part, Ouais. c'est des jeunes familles avec de l'argent. Si, t'sais, eux, si tu coupes toute la vie familiale, les restaurants, les bars, tout ça, les activités familiales sont toutes fermées. Je suis pas sûr que ça a fait mal à l'image du Canadien, là, tout ça, là. Complètement, mais du Canada Ou en du tant que Canada au tel, pas complet, juste, pas les juste, équipes, pas juste le Canadien, mais ouais. effectivement, ça a fait mal, mais je pense que quand je regarde tranquillement, souvent, je regarde les listes dressées par les joueurs d'équipe où ils ont une clause de non-échange et les places où ils ne veulent absolument pas aller. J'ai pas vu souvent le Canadien qui figure à cette liste-là. C'est plutôt rare. Il y a beaucoup de... fait que je pense qu'il y a quand même d'autres marchés. Qui vont être t'sais, qui vont passer après le Canadien. Donc OK. c'est ça. OK. Qu'est-ce qui va arriver d'après toi? Est-ce que tu penses qu'on va avoir il doit y avoir des pressions terribles actuellement sur le gouvernement pour remettre du monde dans les gradins, là. Pas juste au Québec, au Canada, là. Parce que je sais, ça pourra pas toffer longtemps, là, qu'aux États-Unis, les joueurs marchent, ça fonctionne normal, tout fonctionne normalement, et les États-Unis, ça fonctionne, et le Canada, ça fonctionne pas du tout, là. T'sais, beaucoup de revenus de la Ligue nationale viennent du Canada. Il doit y avoir des pressions terribles, là. C'est sûr, mais c'est comme si présentement, il y a presque la seule pression qui est prise en considération, c'est la pression sur nos hôpitaux. Donc, j'ai l'impression que les sports pour les jeunes, les sports vont passer après tout ça. Puis, et présentement, j'ose croire, Danny, qu'il y a des pressions J'espère. qui sont faites, mais en même temps, les décideurs en décident autrement. Puis c'est le chemin que le Canada a décidé de prendre. Je pense que les équipes ont beaucoup plus à perdre de se peinturer dans le coin à essayer de négocier, à essayer de manifester leur mécontentement à l'égard des mesures. Je pense que l'image de l'organisation passe avant ça. Puis ils ont tout intérêt à ne pas aller dans les coins chauds, là. OK, on va y aller maintenant. Dernier point que je voulais te parler. Je voulais te parler que on vient parler de tennis. La WTA puis l'ATP ont signé une entente avec Netflix pour une espèce de Drive to Survive. Mais version tennis. La PGA aussi a fait la même chose. Je pense que ça va devenir carrément quelque chose de ça va être un must pour tout le monde, là. Effectivement, c'est quand tu regardes les cotes d'écoute de la F1 depuis 2017, ils sont constamment en augmentation. Tu regardes le marché de la F1, tu regardes la façon dont ils ont marketé leurs produits, qu'ils ont amené leurs produits. C'est incroyable. Donc, je pense qu'il y a quand même un travail qui a été fait au niveau marketing. Puis, la stratégie d'implanter sans dire implanter, de sortir une série télé, une série en streaming. Sur le sport, sur c'est de l'exclusivité qu'on a, hein. Donc, c'est certain que ça a été extrêmement bon pour leur sport. Il y a d'autres sports qui tentent de suivre ce chemin-là. Je pense que c'est clairement une stratégie marketing qui est bonne, surtout en temps de pandémie, hein. On s'entend que les heures passées devant la télévision sont probablement augmentées par rapport à la normale. Donc, il n'y a jamais autant de séries télé, jamais autant de streaming. Jamais autant de plateformes pour regarder ces sports-là. Fait que moi, je pense, Danny, effectivement, ce n'est que la pointe de l'iceberg. On va avoir d'autres qui vont Charles, suivre. merci beaucoup. On s'en reparle un autre tantôt. La Ça marche. business du Merci, Danny. sport avec Charles de